L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Shadow, ce qu'on écoutait à l'instant pour ouvrir cette émission. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, mes petits loups. Vous êtes bien avec Stéphane dans votre playlist Rock et New Wave, comme à l'accoutumée. Et ce soir, ce sera une playlist consacrée à la Russie à l'occasion du nouvel an russe qui avait lieu ce week-end. Et donc, je voulais commencer avec ce morceau d'un groupe qui n'est pas russe du tout. Ils sont californiens, TSOL, avec ce titre Red Shadows, parce que en cette année 2017 qui vient de s'écouler, eh bien, en Russie, des ombres rouges planaient un peu à l'occasion de la commémoration de la révolution d'octobre et aussi de la révolution de mars, enfin bref, de la grande année qui a été 1917 pour ce grand pays et aussi accessoirement pour le monde entier. On va continuer avec une playlist consacrée à la Russie, vous disais-je, avec un groupe du cru, un groupe qui nous vient de l'époque où la scène rock a explosé en Russie, la perestroïka, la fin des années 80, avec le groupe Prima Donna. Nazdorovie, mes petits loups. Ouais, ce soir, j'ai comme une envie de trinquer avec vous. Hein, car si Moscou était considéré par les orthodoxes comme la troisième Rome, la cité papale, c'est quand même Avignon. Avignon, où il fait pas très froid en ce mois de janvier. Mais justement, bah, de toute manière, quand on trinque à la vodka, en général, c'est pour se réchauffer. Bon, bah, là, en ces périodes de grippe, il vaut mieux trinquer à la vodka pour se désinfecter les boyaux avec ce torboyau, justement, qui a au moins la propriété de désinfecter tout ça et d'être bactéricide éventuellement aussi lificide, va savoir si on en abuse. Voilà mes chers amis, à l'instant, donc comme je vous le disais, ce sera une playlist consacrée à la Russie avec des groupes russes pour le coup, et on commençait avec un groupe qui s'appelait Prima Donna et le titre Moni Razgovor. Ne me demandez pas de vous traduire, mais tout ce que je peux vous dire sur Prima Donna, c'est qu'en fait à la fin des années 80, c'est un groupe qui a explosé pendant cette période là et qui s'inspirait beaucoup du glam rock venu des États-Unis ou d'Angleterre, et pourtant ils étaient considérés et prenaient leur influence sur Nina Hagen, et ils étaient comparés à Nina Hagen, mais version de l'autre côté du mur de Berlin. Voilà. Et Prima Donna, en fait, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que la chanteuse, elle a baptisé le groupe comme ça, Prima Donna, en référence à l'opéra, parce qu'elle avait le choix entre chanter du rock et chanter de l'opéra. Et puis finalement, elle a choisi le rock. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à cette anecdote dans le sketch des Inconnus, là, où il y a le hardos là, qui dit « J'avais le choix entre le football et le hard rock, mais j'ai choisi le hard rock parce que le football, c'est un peu violent. » Quand même. Voilà, donc la petite a dû se faire la même réflexion à propos de l'opéra. L'opéra en Russie, qui peut être aussi assez violent, hein, allez savoir. Et voilà, chers amis, bah écoutez, donc on va continuer dans cette playlist consacrée, cette petite playlist consacrée à ce grand pays, j'ai envie de dire. Et si les époques ont changé depuis les années 80, la contestation existe toujours du côté de Moscou, et ça ne va pas sans heurts, sans violence et sans énergie qui vient là encore, bah, soit du tempérament russe et slave en règle générale, soit des musiques qui les accompagnent et qu'ils se réapproprient, notamment le punk, et je pense bien sûr aux Pussy Riot, qui se sont fait connaître depuis une petite dizaine d'années pour avoir créé au sein de ce collectif différents mouvements de contestation à Moscou, notamment contre Poutine, qui est un peu le nouveau tsar de toutes les Russies contemporaines, pour le résumer ainsi. Et donc, c'est un retour en force du patriarcat que la période soviétique avait un petit peu malmené. En tout cas, il y avait un peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et le poids de l'Église dans la société, etc., se fait sentir. Les Pussy Riot, à leur niveau, ont essayé de contester tout ça. Elles se sont fait coffrer et cogner lourdement. Et bien justement, elles continuent avec des morceaux comme celui qu'on va écouter tout de suite, les Pussy Riot, avec un titre que je ne pourrais pas vous prononcer tant il est difficile dans sa version originale, mais ça pourrait se traduire par « Poutine va te faire aimer ton pays à coups de pompe dans le cul ». Научит тебя любить родину. Bianca Diagreva, accompagnée du groupe, excusez ma prononciation, Velikie Oktyobri, et c'était le titre Naturalny Den. Bianca Diagreva, un morceau qui faisait bien triper le gentil technicien d'Osmos Radio, Lukács. Lukács, on l'aime bien parce qu'il est fort comme un boyard, il aime la moujik, et il est taciturne, enfin il est joyeux, dirais-je, comme un agent du KGB pendant l'interrogatoire. Mais bon, on a quand même à Osmos Radio, on a été obligé de déporter toute sa famille au goulag parce qu'il abusait un petit peu des fines herbes qu'il allait récolter dans la toundra sibérienne. Donc maintenant, il s'est calmé. Il n'abuse plus que de la vodka. Enfin bref, c'est le soviétique idéal, ce Lukács. Merci d'être là, vieux. Et donc, à l'instant, les deux morceaux que mon gentil Lukács vous balançait dans les oreilles, eh bien, c'était Bianca Diagreva, vous disais-je, une chanteuse de la fin des années 70 qui était en fait une poétesse et féministe qui a beaucoup influencé le groupe qu'on écoutait auparavant, les Pussy Riot, avec ce titre dont je vous passe la version originale, mais ça signifie donc Poutine va te faire aimer la Russie, enfin ta patrie, à coup de pompe dans le cul. Et donc les Pussy Riot, qui sont des filles d'aujourd'hui, hein, des années 2010, se sont beaucoup influencées de leur héritage musical et intellectuel et poétique soviétique de l'époque de la fin des années 70, début des années 80, où la contestation était quand même assez muselée, hein, sous les régimes de Brejnev et d'Andropov. C'était pas facile de faire de la musique connotée occidentale ou faire des poèmes qui n'entraient pas dans la ligne du 22e congrès du parti. Donc il y avait quand même une scène dissidente qui en bavait des ronds de chapeau, elle aussi déjà à l'époque, notamment cette Bianca Diagreva qui a beaucoup influencé les filles dont je vous parlais à l'instant en question. Voilà. Donc écoutez un petit deux morceaux qui se succédaient, hein, du punk électrique d'aujourd'hui et contre du punk acoustique d'hier, j'ai envie de dire. Et on va revenir vers des périodes plus contemporaines et j'allais dire plus apaisées, pas tout à fait. Mais j'avais envie de vous faire une playlist consacrée à la Russie, en fait au pays slave au sens large, j'ai omis de vous le préciser. Et par conséquent, là maintenant, on va écouter un groupe ukrainien. Alors, il y en a peut-être qui s'étrangleraient quand j'associe ces deux pays qui sont en état de quasi-guerre depuis 5 bonnes années. Mais pour moi, l'Ukraine, hein, c'est un petit peu la petite Russie. Hein, comme disait Lénine, quand la Russie perd l'Ukraine, elle perd la tête. Et il avait vu juste sur ce coup-là, si j'en crois la situation récente. Et historiquement, en plus, la Russie prend ses racines en Ukraine. Bref, et donc, l'Ukraine est quand même un pays fort intéressant, bien qu'il soit au niveau culturel, au niveau musical aussi, plus petit que le grand pays qui est la Russie, qui le phagocyte un peu. Et justement, moi, j'ai eu l'occasion de repenser à cette ironie récemment, il y a quelques mois, en découvrant un duo qui s'appelle Stepan et Medusa, deux gars de Kiev qui font un projet New Wave vraiment intéressant, qui s'inspire de la New Wave assez calme des années 80, vraiment très inspiré par cette scène-là, Depeche Mode et Pet Shop Boys notamment. Et donc ces deux garçons, Stepan et Medusa, ont sorti un album fin novembre, un album qui a le nom de Brochsen, qui signifie en ukrainien le pardon. Et en fait c'est marrant parce que ça s'appelle le pardon, alors déjà dans la situation actuelle de tension avec la Russie, ça sonne de manière un petit peu ironique, mais en plus sur la pochette il y a David et Goliath, enfin David en fait, qui tient la tête de Goliath qui vient de trancher. Donc là aussi, hein, je me demande si c'est pas un petit peu un message adressé aux auditeurs russes. Allez donc savoir, faudrait le poser à vos questions. Et moi, de toute manière, je vous propose de vous faire une idée du travail de ces gens-là avec le titre Nesna Komka. We'll be right back. que j'aime ce côté mélancolique des groupes indie rock russes dont je vous ai ramené quelques exemplaires déjà et que je vous ramènerai sans doute par la suite, et en tout cas que je vous ramène dans cette émission puisque c'est le moment ou jamais. Tchernikovskaya Attack, on vient d'écouter à l'instant avec le titre Zelano Glazo et Taxi. Me demandez pas de vous traduire, mais en tout cas la musique, elle, est un langage universel. Je suis sûr que vous aussi vous avez apprécié ce morceau hein, qui pioche allègrement dans les ambiances de The Cure, Joy Division, qui est une grosse influence qu'il revendique, et aussi un petit peu, j'ai l'impression, Indochine sur certains riffs, mais bon, c'est une impression personnelle. C'était enchaîné juste avant avec des Ukrainiens, ceux-là, Stepan i Medusa, pardon, avec le titre Mesa Komka, qui était un extrait de leur dernier album sorti relativement récemment, c'était fin novembre 2017. Voilà, chers amis. Tchernikovskaya Atta, eux, par contre, ce sont bien des Russes, ils sont une ville qui s'appelle Ufa, à mi-chemin entre Moscou et le Kazakhstan, donc ils sont un petit peu à mi-chemin aussi entre différents styles musicaux comme vous avez pu l'entendre. Voilà, chers amis. Et les groupes russes, déjà on a eu l'occasion de, avec ces deux derniers notamment, on voit qu'ils sont très influencés par les scènes des années 80, et ça peut se comprendre à différents niveaux. Les années 80, ça a été l'explosion du rock russe. Il y en avait avant hein, avec la chanson contestataire, il y en a eu après avec des groupes peut-être plus métal, etc. Ça a été vraiment le moment de la perestroïka et quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, ça a été vraiment un moment d'explosion culturelle pour la Russie, un petit peu comme la Movida l'a été en Espagne après la mort du dictateur Franco, quoi. Je pense que la comparaison est relativement pertinente. Et du coup, les Russes, même ceux qui sont nés largement après, sont encore attachés à toutes les groupes, les réalisateurs, la vie culturelle qu'il y a eu à ce moment-là. Et je sais que l'an dernier, par exemple, dans l'émission en janvier 2017, dans l'émission que j'avais consacrée à la Russie et que vous pouvez retrouver en podcast sur le site d'Osmos Radio, eh bien, j'avais parlé d'un garçon assez attachant qui s'appelait Victor Tsoï. Pour vous résumer, le gars, c'était le chanteur du groupe Kino, un groupe culte en Russie, et un groupe post-punk, new wave dans ces eaux-là, dans ce style-là. Et Victor Tsoï, pour vous résumer, c'était un peu un mélange entre Ian Curtis de Joy Division et Jim Morrison des Doors, quoi. Sauf que vous lui rajoutez des yeux bridés parce que c'était un russe d'origine coréenne. D'ailleurs, ça aussi, c'est marrant. Avec Vladimir Poutine, on a l'impression que la Russie, hein, c'est la patrie des grands slaves blonds, costauds et un peu racistes. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. La Russie, c'est un pays vachement métissé. Quand vous regardez Lénine, il avait des traits sibériens. Staline, c'était un géorgien. Et Trotsky, c'était un juif. Les trois mecs fondateurs de l'URSS, c'était tous un peu des espèces de métis. Donc, le cliché du blond slave, il a un petit peu du plomb dans l'aile. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et tout ça, justement, ce métissage, à mon avis, est un plus pour la culture en Russie, si j'en crois les bons groupes que je vous ramène régulièrement qui viennent de là-bas. Et on va continuer, justement, puisque je vous disais que les Russes sont assez nostalgiques de leur scène des années 80. Évidemment, ils s'inspirent de ce qu'ils écoutaient à l'Ouest. Bien entendu, il y avait Radio Free Europe, tout ça, dans les années 80, qu'ils écoutaient un petit peu de manière cachée. Mais ils avaient quand même aussi leur groupe à eux qui ont explosé pendant cette deuxième période des années 80. Et bien, justement, un groupe qui s'appelait à l'époque que No Choice Prospect, qui lui était plus dans un côté synthwave et électro, avait fait son petit bonhomme de chemin à l'époque. Il a été repris il y a quelques années par un groupe qui s'appelle The Forced Oscillator, et tout de suite on écoute No Choice Prospect avec le titre Acid. We'll be right back. un abruzzo. Консервы и овощи выбросим разом. Вода превратится в уксус. Кислоты проникнут в кровь. Выпадут волосы, лапы, пузы. Конструктор и Vous avez rien compris à ce qui vient de se passer, vous en faites pas. Je vais vous expliquer. À l'instant, on écoutait plusieurs morceaux enchaînés. Tout d'abord, une reprise d'un groupe synth-pop des années 80, No Choice Prospect. C'était une reprise par un groupe d'aujourd'hui, The Forced Oscillator. C'était le titre Acid. C'était enchaîné avec une musique étrange, très calme, méditative. Et pour le coup, elle s'appelait Méditation, par un compositeur qui s'appelait Edward Artemiev. Et c'était en fait la bande originale d'un film assez bizarre, un ovni cinématographique, mais vraiment passionnant. Un film qui s'appelle Stalker de zut, j'ai plus son nom. Un film notamment qui avait d'Andrei Tarkovsky, pardon, et un film qui a inspiré aussi un jeu vidéo dans les années 2000, qui lui aussi était assez trippant, qui se passait notamment dans la zone interdite de Tchernobyl. Voilà, chers amis, donc un film de science-fiction vraiment barré. Et bien, puisque je vous parle de science-fiction, et bien c'est j'aimerais vous dire que c'est de la rétrofiction, mais c'est pas vrai. En fait, c'était la communication entre un astronaute, enfin un cosmonaute, qui était dans un module spatial dans l'espace, qui était en train de s'écraser, c'est-à-dire qu'il rentrait dans la couche de l'atmosphère, mais l'angle avait été mal calculé, et lui s'était fait enculer pour le coup, et le mec était en train de mourir en direct. La conversation que vous venez d'entendre en russe, c'était entre la station de Baïkonour basée au sol et le module qui était en train de cramer. En fait, le mec, il était tout seul dans son module spatial en 1967, et il était en train de sentir la température montait et il pouvait rien faire. Et là, dans ce qu'on vient d'entendre, ben, il était en train de dire aux gens du parti, aux généraux, aux scientifiques, à tous, d'aller bien se faire cuire le cul, ce qui est assez ironique, puisqu'en l'occurrence, c'était lui qui brûlait. Voilà, ce pauvre homme, c'était Vladimir Komarov, qui est revenu en cendres, hein, sur la surface de la Terre. Et pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé aussi précipitamment dans un module spatial qui n'était pas prêt, alors qu'il y avait eu de la précipitation au niveau politique, etc. Ben c'est parce qu'en fait, je vous disais que 2017 a été une année importante pour la Russie, puisque c'était la commémoration de la révolution russe, mais c'était aussi le cas en 67, c'était les 50 ans de la révolution russe, et Khrouchtchev à l'époque avait absolument voulu fêter ça en dépassant les Américains sur un point, les Américains qui n'avaient pas encore marché sur la Lune à l'époque en 67, et donc ils voulaient les doubler, les prendre de vitesse avec un exploit spatial supplémentaire, mais sauf que ça avait été mal calculé, ça avait été mal foutu, et il y a un homme innocent qui est mort pour le coup. Voilà, pauvre Vladimir Komarov que vous venez d'entendre à l'instant. Je vous disais, il y a ce grand moment pour l'histoire contemporaine russe, c'est la révolution d'octobre, bien entendu. Il y a aussi la grande guerre patriotique, c'est-à-dire la guerre contre les nazis et Hitler, de 1941 à 1945. Mais ça, c'est un thème que je vous ai illustré en musique régulièrement pendant toutes les émissions précédentes, donc je ne vais pas y revenir ce soir. Et sinon, je vous renvoie vers les podcasts, évidemment, que vous pouvez écouter sur le site d'Osmose Radio. Mais c'est un thème qui tient à cœur aux Russes en général et aux musiciens russes en particulier, qui se sont souvent réappropriés le thème de la Grande Guerre patriotique, de la Deuxième Guerre mondiale et des batailles de Stalingrad et tout, assez féroces, qui ont eu lieu à ce moment-là. Pour l'anecdote, si vous aimez les trucs un peu bizarres, sachez que dans la forêt de Miasnoïbor, à côté de la frontière finlandaise, un peu au-dessus de Saint-Pétersbourg, il y a une forêt hantée où on entend encore les bruits des batailles féroces entre les troupes allemandes et les troupes russes dans les années 1940. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais en tout cas, tous les promeneurs qui y vont sont revenus la queue entre les jambes et de la sueur le long du dos. Voilà, donc à vous de voir si vous avez programmé des vacances en Russie. Voilà, bon, je passe très rapidement sur tout ça, chers amis, c'était juste pour vous signaler l'anecdote, mais un truc que je vais pas me priver, sur lequel je vais pas me priver de revenir, vu mon goût pour le folk metal, c'est le goût des Russes, non seulement pour leur histoire contemporaine, mais leur histoire très ancienne, leurs racines païennes d'avant la colonisation du christianisme, et donc toute cette terre chargée de mythes, de légendes, les Baba Yaga, les monstres, etc., du folklore. Et bien entendu, tout ça, c'est un terreau très riche pour les groupes de folk metal qui mélangent allègrement les instruments acoustiques comme la flûte, le violon, l'accordéon et les instruments électriques qui viennent du métal, les basses, les guitares électriques et les riffs bien bourrins. Et bien, un groupe qui faisait ça dans son album Nyarga en 2007, c'était Nevid, et on écoute tout de suite le titre. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Vodka, avec modération ou avec Korpi Klaani, qu'on écoutait un instant, une bande de Finlandais complètement allumée, hein, ça rime, mais pour le coup c'est bien trouvé, c'était avec donc un hymne à l'alcool qui venait du pays d'à côté, hein, puisque ces Finlandais finalement ont la même énergie parfois et boivent peut-être les mêmes breuvages que leurs voisins russes de l'autre côté de la Carélie, et du coup ben, ils dédiaient une chanson à ce breuvage-là, la vodka qu'ils ont en commun avec les Russes qu'on écoutait juste avant avec le groupe Neivid et le titre Brochus Titsei. Voilà, chers amis, c'était deux morceaux folk metal enchaînés, hein, pour vous faire bouger un petit peu en cette fin d'émission, vous achever après cette dure journée et puis vous remonter un petit peu le moral aussi, puisque le mois de janvier en général c'est pas très folichon. Hier d'ailleurs c'était le Blue Monday, hein, paraît-il, le jour le plus déprimant de l'année, j'en sais rien, mais en tout cas je m'étais dit que c'était un bon argument pour essayer de vous concocter une bonne playlist qui était consacrée à la Russie ce soir, chers amis. Si vous nous avez pris en cours d'émission, eh bien vous n'avez qu'à vous rabattre sur le podcast de cette émission-là et de celles qui les ont précédées, puisque c'est là sa quatrième ou cinquième émission que je consacre à ce thème-là, parce que ouais, les Russes ont compris que mieux que tout autre qu'on avait tout le mois de janvier pour se souhaiter les vœux, eh bien eux régulièrement ils font ça à la mi-janvier, c'était ce week-end, et ils se souhaitent bonne année avec un petit verre de vodka. Voilà, chers amis, et bien écoutez, pas Ziba, Dasvidanie, j'ai envie de dire, et comme notre habitude, eh bien, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, et ce soir, puisque j'ai grandi, j'ai été élevé par une maman communiste, il fallait bien que je vous fasse le coup un jour, on va se quitter avec l'hymne de l'Union soviétique, chanté par les chœurs de l'armée rouge que j'écoutais quand j'étais petit. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour débrancher si vraiment ça vous aurait pile, et bien que ce soit un hymne, bien que ce soit un truc un peu de propagande, un air un peu guerrier, etc., ça reste quand même une assez jolie mélodie que je vous invite à écouter tout de suite. L'hymne de l'Union soviétique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers amis, mardi, même heure, même endroit, pour une playlist un petit peu spéciale, là encore. Mais bon, pour le moment, ce soir, je vous dis Spasiba, Dasvidanie, et restez sur Osmose Radio.